baby, baby, no more. Baby, baby, no more. You know, you know. Oh. Le 9-3 approche des pierres pour esquiver la police. Avec une camisole, je dois enlacer ma folie. Des cœurs, des couplets, des refrains et des poèmes. On prend des risques énormes à la hauteur de nos problèmes. Dès qu'il y a un délit en vue, les petits chez moi le commettent. La violence a ses raisons que la douleur peut commettre. La misère a les pieds sur terre, j'ai envie de voler. J'ai mis du temps à me reconstruire comme l'honneur d'une femme violée. Mon destin flingue un stylo et un plan de mafé. L'équipe que je peux te mettre sur le dos, elle sera pas là pour te masser. Et si les bacs viennent, dis-leur bien que je suis pas fou. Comment respecter la loi quand les keufs la pas fou? Mon amitié est dans le brouillard, du coup j'ai peur pour mes frères. Paranoïa instinctive, j'ai tiré sur mon reflet. Tu m'envoies des pics, je vends plus que toi, l'oublie pas. Je préfère être puceau sur le banc qu'être titulaire du sida. Et si le jour se lève et t'as encore mal, tu seras obligé de mettre pause. Et si le jour se lève, que Dieu nous pardonne, on refera pas les mêmes fautes. Et si le jour se lève et t'es encore loin, dis pas que c'est ma faute. Et si le jour se lève et t'es encore là, je te donnerai une rose. Yeah, Fouini Bay, F A Bay. Ils veulent me mettre dans un Boeing. Direction le pays, la France veut couper les ponts, mais mes parents les ont construits. J'suis ce genre de robeux identifié derrière la vitre. J'cartonne, mais j'suis aussi marocain qu'un filtre. Ils aimeraient me voir loin, ils aimeraient me voir dead. Ils veulent pas partager tout ce qu'ils ont pillé dans mon bled. Frérot, comme ils nous bernent, j'crois qu'il faudrait qu'on m'interne, car j'ai capté leur jeu, les colons modernes. Jean-Marie n'est pas clair, il aimerait me voir à terre. J'vais rentrer dans les charts, il veut me mettre dans un charter. Et ouais, c'est triste à dire, mais on se mélange plus mon poteau. Tu verras pas de blanc à part s'il neige à Château d'Eau. C'est rare de nous voir ensemble, à part en équipe de France, à part au concert de rap, donc viens sur la piste de danse. Est-ce que tout le monde a sa chance? Les gras et les maigres, aucun patron black à part Pascal Nègre. Fouini. Et si le jour se lève et t'as encore mal, tu seras obligé de mettre pause. Et si le jour se lève, que Dieu nous pardonne, on refera pas les mêmes fautes. Et si le jour se lève et t'es encore loin, dis pas que c'est ma faute. Et si le jour se lève et t'es encore là, je te donnerai une rose. J'ai toujours fait ça pour les miens, c'est Fouini F.A. baby. Le soleil se lève pour ceux qui viennent de loin. 9-3-7-8, boss and lady.